toujours j'te montre bon Dieu. J'ai travaillé pendant quelques années. J'fume la moula, la femme cellophanée. Et tous les jours ça fait que se vanner. Tiens, ça peut dépanner. J'ai débrouillé un kilo d'années. La la la la, c'est pour tel au showcase. T'inquiète, on a mis la bouteille. Mais en une pour la table à côté. J'l'avais pisté, elle voulait la goûter. Ah ah ah ah, y'a l'équipe à Pompeii. On est pisté par l'autrice. J'ai rendez-vous à l'hôtel avec mon éducatrice. C'est l'été, ça fait que charbonner. Les showcases, le studio, le renté. C'est l'été, ça fait que charbonner. Les showcases, le studio, le renté. Ouh la la, elle veut me la faire à l'envers. Ouh la la, il a arraché le feu vert. Ouh la la, il a payé en billets verts. La liste. Elle est accro à moi, je suis bon comme le shit de la veste. Elle enquête sur mon passé, tout ce que je dis elle analyse. À la fois je la travaillais pour qu'elle passe la C dans sa valise. Elle aime les mecs des terres qui viennent barrer des cartes grises. T'étais avec qui tout à l'heure, tu l'as choupé, me fais pas la bise. J'entends pas mes haut-parleurs, où c'est t'as mis la marchandise. Très marque des pépites, on dirait l'attaque de l'argentine.